بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث 35 بعد 100 ستنسكم حديث عن نبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بكره، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام وحضرت الملائكة يستمعون الذكر. سر أبو هريرة رضي الله عنه le message d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit que celui qui se lave le jour de Jumu'ah puis se rend au masjid de la première heure, c'est comme s'il avait sacrifié un chameau ou un dromadaire. À chaque fois je confonds entre les deux. Celui qui se rend, c'est-à-dire après s'être lavé, à la deuxième heure, c'est comme s'il avait sacrifié une vache. Celui qui se rend à la troisième heure, c'est comme s'il avait sacrifié un bélier. Celui qui se rend à la quatrième heure, c'est comme s'il avait sacrifié un poulet. Celui qui se rend à la cinquième heure, c'est comme s'il avait sacrifié, on va dire, donné en sadaqa, un œuf. Et si l'imam arrive pour la khutba, alors les anges viennent pour écouter le rappel. Les anges viennent, c'est-à-dire dans le masjid, pour écouter le rappel. يقول فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الراوي الرابورتور سي أبو هريرة يقول موضوع الحديث بيان ثواب التقدم إلى صلاة الجمعة. Ce hadith vient pour montrer justement la récompense qui attend celui qui vient tôt le jour du Jumu'ah. في الشرح الإجمالي يقول يخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الثواب الذاهبين لصلاة الجمعة الأول في الأول. Dans ce hadith, Abu Huraira informe que le Nabi صلى الله عليه وسلم a indiqué la récompense de ceux qui sont au jour du Jumu'ah les uns après les autres. En commençant par le premier. حسب مراتبهم فمن اغتسل وذهب في ساعة الأولى كان له كأجر من أهدى بعيرا ذبحه وتصدق به تقربا إلى الله تعالى. ويتفاوت عظم الأجر فيها بحسب التقدم في تلك الساعة. Donc il informe cela en fonction de l'heure à laquelle ils arrivent. Donc celui qui se lave et qui vient à la première heure, c'est comme s'il avait, il a la récompense de quelqu'un qui aura sacrifié un chameau ou un dromadaire et qui l'aura égorgé et qui en aura fait aumône, et cela pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la grandeur de la récompense, cela est en mesure de l'heure à laquelle la personne s'est rendue au Jumu'ah. Plus il est venu tôt, plus la récompense sera grande. ومن اغتسل وذهب في الساعة الثانية كان له أجر من أهدى بكرة على ما سبق في البعير. Que celui qui vient à la deuxième heure, après s'être lavé, aura la récompense de quelqu'un qui aura sacrifié une vache, comme cela a été cité pour le chameau auparavant. ومن اغتسل وذهب في الساعة الثالثة كان له كأجر من أهدى كبشا أقرا على ما سبق في البعير. Celui qui se lave et qui vient à la troisième heure aura la récompense de quelqu'un qui aura sacrifié et offert un bélier. ومن اغتسل وذهب في الساعة الرابعة كان له كأجر من أهدى دجاجة على ما سبق في البعير. Celui qui vient à la quatrième heure aura la récompense de quelqu'un qui aura sacrifié un poulet. ومن اغتسل وذهب في الساعة الخامسة كان له كأجر من أهدى بيضة على ما سبق في البعير. Et celui qui vient à la cinquième heure aura la récompense de quelqu'un qui aura offert ou donné en aumône un œuf. ومن جاء بعد خروج الإمام لم يكتب له شيء من أجر من التقدم لأن الصحف التي بأيدي الملائكة كتويت وحضرت الملائكة الذي على الأبواب والذين على الأبواب لاستماع الخطبة. Et celui qui vient après cela, c'est-à-dire après que l'imam soit arrivé et soit sur le minbar, il n'aura aucune récompense de ce qui est cité précédemment, de ceux qui sont venus tôt. Pourquoi ? Qu'à ce moment-là, les anges qui se trouvaient aux portes du masjid et qui notaient les gens qui arrivaient, eux plient leurs feuillets et se rendent dans le masjid pour écouter la khutba. Donc à ce moment-là, plus rien n'est écrit pour ces personnes-là. Naam. يقول من فوائد الحديث أصل موجود في الحديث فضيلة الاغتسال لصلاة الجمعة والتقدم إليها le mérite justement de se laver le jour du mois et de venir tôt. Et de venir tôt. Fanian, ana thawab taqaddum bihasb as-sabiq. Faman ihtasala wa dhaba lis-salati fa'inna kana fi as-sa'ati al-ula fa'kanna ma qarraba badana ila akhirih. Et que la récompense justement de la personne vient en mesure de l'heure à laquelle il est venu. Plus il est venu tôt, et plus la récompense sera grande, comme cela a été dit, qui en premier lieu revient à un chameau, ensuite ça revient à une vache, ensuite ça revient à un bélier, ensuite ça revient à un poulet, et ensuite à un œuf. Thalithan, anna thawab al-mazkur murattab ala al-amrayn al-irtisal wal-khudur. Wal-khudur fi tilka sa'at. Et que justement la récompense est basée sur deux choses. En premier lieu, le lavage, et ensuite l'heure à laquelle on est venu. رابعا ان من جاء الى الجمعه بعد خروج الامام لم يكتب له شيء من اجر. Que celui qui vient après que l'imam soit déjà sorti et soit sur le minbar, lui n'aura rien de cette récompense qui était citée auparavant. خامسا فضيله صلاه الجمعه حيث وكل الله الملائكه يكتبون الاول فالاول في السبق اليها ولكل درجات مما عملوا. Et que cela montre le mérite de cette salat de jumu'a, du fait que Allah Azza wa Jal a confié aux anges d'écrire ce qui arriverait. Le premier, en premier, ensuite en deuxième, en troisième, ainsi de suite. Et dans le sens où Allah a dit que chacun sera récompensé en mesure de ce qu'il aura accompli. Sadisan fadilat khutbat al-jumu'ati haythu yahduru al-malaikatu l'istima'iha. Cela montre le mérite justement de cette khutbat al-jumu'a, du fait que les malaïkas s'y rendent pour écouter. Sabiran an afdal ma yuhadda kamilan bin بهيمة الأنعام الإبل ثم البقر ثم الغنم وأفضلها الأقران وهكذا. Et qu'est-ce qui est de meilleur à justement à sacrifier, c'est-à-dire même en dehors du Jumu'ah, ce qui a plus de valeur à sacrifier, comme le prouve ce hadith, parmi les bestiaux, وبهيمة الأنعام, c'est en premier lieu c'est le chameau, ensuite la vache et ensuite le bélier. Et en fait, بهيمة الأنعام, ça enferme les ovins, les bovins et les chameaux. Mais le poulet, il n'entre pas dedans. Le poulet n'entre pas dedans. Il ne fait pas partie de Bahimat al-An'am. Par exemple, pour le Eid, ou pour la Aqiqa, ou ce genre de choses, on ne peut, ou plutôt pour le Eid, n'am. Pour le Eid, on ne peut, par exemple, égorger un poulet. Contrairement à ce que certains savants ont dit, mais cela est une parole qui est erronée. Hadha ladhi qala al-yawm, wa alhamdu rabbil alamin.